dormir contre de mí, elles est como pisar contre vento. Ça veut dire, venir contre moi, c'est comme pisser à contre-vent. Il y a Dante qui disait que, déjà dans la Divine Comédie, il disait qu'en Frioul, ils avaient une façon bizarre de parler. Et il citait, par exemple, pour dire « qu'est-ce que tu fais ?» il disait en Frioulien, il l'avait appris, je ne sais pas comment, « c'è fasto ?»« C'è fasto ?»« Qu'est-ce que tu fais ?» Mais on a aussi une langue qu'on parle entre nous, qui est le Frioulien, qui est Fukushima. Les gens ont mis un seul mot, et le mot que je préfère c'est oufti, qui veut dire c'est une interjection plutôt wallonne qui veut dire oula nom de Dieu. Merci, s'il vous plaît, merci, oui, ça suffit. Ça suffit maintenant, merci. Merci. Assistante, s'il vous plaît. Professeur dit. Bonjour. Oui. Oui. Merci, j'ai dit ça suffit. Bonjour. Exceptionnellement, je m'exprimerai à vous aujourd'hui en français. Mes camarades flamands excuseront, je le sais, ma francitude et comprendront de fait que je ne suis pas flamand de faute. Ainsi, je commence ce colloque unilingue. Prologue de l'Évangile selon Jean, traduction d'Augustin Crampon. Au commencement était le Verbe, unité première, émanation sacrée. Ça a commencé comme ça. La conscience de l'humain passe par le mot, la conscientisation du soi au sein d'un environnement par le verbe, par le questionnement, la définition. Il y a ceci, il y a cela, et il y a moi. La conscience entre dans l'humain par le mot. Elle s'adresse au moi. Au tréfonds, une voix s'élève. Mille voix. Car le moi est parcellé. Janus aux multiplications exponentielles. Le verbe naquit du moi, le moi naquit du verbe, ils se reproduisent entre eux, inceste protocellulaire, auto-né, autosuffisant, toujours croissant. En ce sens, le mot est un virus. Permettez que je prenne mes notes. Internet nous apprend qu'un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier. Le virus existe sous une forme extracellulaire ou intracellulaire. Sous la forme intracellulaire, ce qui signifie à l'intérieur de la cellule hôte, n'est-ce pas ? Les virus sont des éléments génétiques qui peuvent se répliquer de façon indépendante par rapport aux chromosomes, mais non indépendamment de la cellule hôte. Sous la forme extracellulaire, les virus sont des objets particulaires, infectieux, constitués au minimum d'un acide nucléique, et de protéines, nous apprendrons. Le débat sur la nature des virus, vivants ou pas, repose sur des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Ce postulat de base étant posé, le mot comme un virus. Nous pouvons aller plus loin dans la recherche de ce qu'est un virus. Tournons-nous vers le Littré, ce dictionnaire de langue ancienne français. Ivanka, s'il vous plaît, c'est à vous, maintenant. Virus, SM, terme de médecine. Principe de la transmission de maladies contagieuses médicales court. le virus syphilitique, le virus variolique, le virus vaccin, le virus de la rage.xvs. Et c'est vraisemblable que le virus est venosité nominale question prend de l'ulcère s'étend du dicelle, paré, 8, 25, de l'ulcère sorte chancreuse virus puant des Nations Unies et feutide, paré, 11, 3, latin virus, succès, bave, poison, sanscre. Vicha.virus, ajouté, 2 degrés figure virus pénitentiaire, démoralisation que se communiquent les condamnés dans les prisons. Tine contagion de la CE qu'on appelait une virus pénitentiaire le, il n'y qu'un remède avéré opposant efficace. L'isolement, Bayranger, rapport, dans Journal des débats, 29 janvier 1877, deuxième page, quatrième col. Oui, merci. Merci Ivanka, c'est brillant. Donc, la cellule est infectée par la conscience de soi. Le mot, le dit, l'écrit, le moi. Il croît, se développe, mute en fonction des flux migratoires, des technologies dont il peut se servir pour assurer son expansion. Le BlackBerry, le téléphone, fax, internet, le Minitel à une époque bien heureuse. Il se mélange, il s'invente, il se propage. Le mot est source de tout concept. Il ceint le concept. Et si nous supprimons le mot, nous supprimons aussi le concept. Lutte des classes, prolétariat, syndicalisme, mutualisme. Ces mots ont disparu. Ensuite seulement, le concept peut être vidé de sa valeur. Ces concepts deviennent obsolètes, de fait. Ils n'ont plus aucun mot pour les porter. Car le mot est opportuniste, il s'attache à la puissance de la modernité et bien souvent au service des puissants. Le mot ne tend que vers le progressisme, seul vecteur propre à assurer son expansion, sa contamination. Il se simplifie à l'extrême, dans la forme, comme dans les SMS, ou dans le fond, où l'euphémisme du langage amène à un appauvrissement du sens. Hein, on connaît ça, hein. Devant un plus petit dominateur commun verbal, les autres se font plus pour eux. C'est normal. Chacun se laisse envahir. Cette nouvelle langue bâtarde que l'on entend partout se transmet par les médias. Elle impacte, bien sûr, les journalistes, comme ils disent. Mais plus encore par la publicité, la littérature, les ondes radio. Cette nouvelle langue tend à la simplification ultime. Unicellulaire, un anglais mondialisé, migrant comme un touriste multiculturel, à l'identité multinationale MTV. La disparition des dialectes est une mutation du verbe au profit d'un panculturisme mensonger. Les jeux de mots, les onomatopées, ne se trouvent plus que sur RTL. Cet ésotérisme de la langue que l'on appelle l'argot est corps est bien faible et résistant. Mais cette dégénérescence collective du mot est vraie pour une classe seulement, celle des indigents. Car à l'autre extrême se trouvent les possédants du langage soutenu, ceux qui ont le verbe facile et la rhétorique célèbre. Ils savent, eux, que le mot est le miroir de l'amour propre, signe d'une classe noble, élite intellectuelle qui peut parfois se répandre dans la fange d'une nouvelle langue traître à l'humanité, puisque jouissant par ailleurs, dans le privé, de toutes les subtilités culturelles d'une autre langue, stricte, précise, éducatrice, à laquelle les indigents, eux, n'ont pas accès. Un seul mot qui disparaît, et c'est une barrière qui s'élève. Applaudissements, s'il vous plaît. This is Radio 660, The Beacon. I'm Grant Mazzie, and as always, I'll be taking no prisoners. And taking a look outside, a big, cold, freaking kill me now weather front that'll last all day. We go to Kenloney in the Sunshine Chopper. Ken. Ken? Are you there, Ken? This building has just been exploded! Oh my God! Hundreds of people are getting killed down there! Le pain français, oui, oui, il y a la différence. Les baguettes sont plus petites et plus longues. Et les pains français, ils sont courts, mais plus grands. they could cut into our signal. C'était plus ghetto, c'était plus genre... Moi, je n'aimais pas ça. Les quartiers où on était, il y avait pas beaucoup de gens. Il y a une poupée qui met poète poète utérus. Ken. Et donc maintenant, il y a des DJ qui font des remixes avec de la musique classique. Ouais. Ah ouais. Bonsoir. Je ne vous connais pas très bien, Monsieur Burroughs. J'ai lu Interzone, le festin nu, à 20 ans, et j'étais bien trop jeune pour comprendre. Ensuite, une peur révérentielle et très bourgeoise m'a tenu écarté de vous. Le refus de connaître et de savoir est une sorte de crime intime, dont l'auteur est tenace, car il n'est autre qu'une certaine détestation de soi-même. Puis, lentement, je suis revenu vers vous. Et ainsi, depuis quelques jours, je lis et relis certains de vos textes avec une sensation d'éblouissement, d'admiration et de respect qui m'a conduit à vouloir violemment l'émission d'aujourd'hui dont je vous suis très reconnaissant. En même temps, tout cela est compliqué pour moi. Le choc est très neuf, les inquiétudes très anciennes, la sensation de ne rien savoir. À mon avis, quiconque espère trouver dans la drogue une réponse à ses problèmes existentiels sera immanquablement déçu. Donc je vous propose que nous ne parlions que d'un petit nombre de choses. À l'occasion de la publication des lettres de Tanger, des terres occidentales et de l'exposition de vos tableaux à Paris. Fritsch, c'est le mot national pour les hommes. Fritsch, elle se rappelle. En effet, en Friulien, normalement, on dit Fritsch. Et cela, c'est tellement courant que, par exemple, pour dire quelle belle fille, on dit c'est bien les Fritsch. Ni hao, ni hao, ni hao. C'est d'accord. Ni hao, c'est H-A-O. Ni hao. Baiser de Malmedy. C'est eux qui ont créé ça de Malmedy. C'est un endroit très agréable pour la chanson. C'est un endroit agréable pour rencontrer les gens de tous les pays. Comment dire, cosmopolitain. C'est ça. Tu vois ça? Parce que là, on a l'impression qu'on est ailleurs, on n'est pas en Belgique. C'est différent qu'en France. En France, tu vois que les Français. Hein. Peut-être tu vois quelques d'autres, mais pas autant comme ici. Non, mais je crois qu'ici, c'est plus qu'à Paris. Ici, tu vois beaucoup de monde, c'est vraiment différent couleur. Quoi. C'est vraiment un tapis, un beau tapis. Quoi. Je n'étais pas plus haut que 3 pommes lorsque je suis arrivé à Bruxelles. Le bon côté café, j'aime bien, oui, ça va. Avec, il y a des bons côtés et des mauvais côtés comme partout, ça va. Le bon côté, on a toujours eu un bon contact avec nos voisins, les personnes de notre de nos parents, de notre entourage. On a toujours un bon contact et de ce côté-là, on ne nous aime que bien. Là, il y a des tomates qui sont poussées chez le voisin. Hein. Là, il y avait les tomates qui poussaient vraiment bien. Hein. Là, mais je crois que c'est des tomates espagnoles, je crois. Les croissants. La cabane, comment je fais pour aider pour monter la cabane est très importante. C'est pour mettre les outils, hein. Les couettes. Sinon, c'est très vrai. Il y a tout son matériel sur place. Très très bon. Non, mais c'était difficile de changer au départ parce que je me souviens, c'était un peu comme une trahison aussi. Oui, c'était trahison. Voilà, c'est un cheminement. Les parents, quand ils sont arrivés dans les années 60, ils sont venus avec l'idée de travailler et de repartir au pays, déjà. Ils sont venus pas pour venir revivre ici. Ils sont I'm a stranger. Ils n'avaient jamais assez pour... Je suis étranger. Comme ça, ils ont eu leurs no enfants, one can comfort me anymore. Personne ne peut plus me rassurer. I feel like a ghost in this town. Je me sens comme un fantôme dans cette ville. Alone and untouchable amongst the others. Seul et intouchable parmi les autres. I like not noticing them. J'aime ne pas faire attention à eux. No longer hoping they'll speak to me. Donc on était. Ne plus espérer qu'ils donc eux, en changeant, ils ne voulaient pas changer la nationalité parce que déjà ils avaient un petit peu trahi le pays, vu qu'ils y avaient stopping pas. In front of plus changer la nationalité, m'arrêter devant un grand magasin et les regarder. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même plus d'avantages à faire que quelque part. J'aime être seul quand ça de mon côté. Arriving in front of my home and believing. Les Nederlandse zien mij dat is een andere planning. Faire de jour. Je vais rentrer. Je dis quoi? Le nom de la place. La cage des ours. Cage aux ours. Je vais à cage aux ours. Oui, la langue de tous les ours, je viens à la cage aux ours. Vers beaucoup, vers beaucoup. Pour la grande place, je dis comme ça. Ah, la grande. Moi, je dis. Katia, moi, je dis le grand pour l'instant. Calto. Il a fait blanc. Donc en russe, avec ses trucs, je répète. Calto. Ça veut dire en russe, calto en russe, ça veut dire que c'est une bague. Kafas. Kafas. Anada Hiba. Il a Kafas Bibaba. Voilà. La chasse, la chasse, la chasse. Voilà, je vais, tu vas le dire en arabe. Mais cage aux ours, c'est voilà. Cage aux ours. Voilà. En arabe, qu'est-ce que vous dites pour la cage? Cage, ça veut dire cafasse. Adahar, cage aux ours. Pont, à la place. Okay. On dit, pour la cage aux ours, on dit you are like idiom, c'est-à-dire je vais à la cage. Ça va être un peu difficile de comprendre, alors je vais. You are like idiom. Ça va déjà Vendin, en albanais. Et une femme, ça présente beaucoup de valeur. Même chez moi au Congo, on appelle toutes les femmes maman. Hein? Toutes les maman, maman, tout pour l'espoir de dire maman. Mais non, madame, nous on appelle maman. Maman, c'est une maman. Maman Marie, maman de Jésus, maman, tout le monde on appelle maman. Nous, les femmes, nous sommes les mamans. Nous sommes très valeurs parce que quand il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des enfants. Hein. Oh, matin, quel réveil, c'est nous qui faisons les enfants. J'écris le russe blanc de peur. Que j'ai un fils d'un an et demi. On essaie de lui trouver une école c'est facilement pure avec le système d'inscription. Le système d'inscription pour les écoles néerlandophones, c'est un système d'inscription électronique. Donc il y a un site internet sur lequel il faut. Il faut s'inscrire en choisissant 5 écoles. Ouais. Donc la première phase, c'est de visiter les écoles au mois de décembre. Ouais. C'est pour les maternelles, primaires et secondaires. Primaires et maternelles. C'est la première année. Donc c'est un système qui a été introduit vraiment en dernière minute. Donc il y a des parents qui ont été voir les écoles au mois de septembre. On leur a dit revenez au mois de mars. Et au mois de novembre, ils ont décidé de faire un système électronique. Et donc les parents qui ont été avisés de venir au mois de mars n'ont pas du tout tenu compte du système électronique. Et maintenant, ils se retrouvent sans école. Mmh. Alors, et donc, c'est un peu du n'importe quoi. Mais pour nous, donc, on a... Moi, je n'ai pas visité les écoles non plus au mois de décembre. Donc, on a été voir les façades des écoles et on a choisi. Et on a choisi en fonction des façades. Les mamans fatiguées. Je dois dire que les Flamands, ils ont raison quand ils prétendent que ça vient de mannequin, petit homme. Parce qu'au départ, le mannequin, c'était un petit homme miniature, une petite femme miniature, qui était utilisé par les ouvriers. Ça pourrait aussi venir de l'italien, étant donné que l'italien utilise le mot manichino, qui est une sorte de manche qu'on met sur un bras. Kadhafi, il dit qu'il va chercher, mais les gens qui vont le faire du mal à lui et à son pays, et il a dit qu'il va chercher de maison en maison, de chambre en chambre, de zanga en zanga. Zanga, c'est comme, c'est une petite maison comme ça en bois. C'est comme des, comment dire, zanga zanga. Oui, c'est ça, c'est des petites maisons comme ça en bois. Une chanson. Bon, beaucoup, en fait, ils sont faits avec le Waka Waka de le Mondial Sud-Africa. La chanson de la Coupe du Monde de Shakira. Ils ont remixé la chanson de Waka Waka de Shakira avec le Zanga Zanga. Bonsoir, je ne vous connais pas très bien. Bonsoir, je ne vous connais pas très bien. Bonsoir. Je ne vous connais pas très bien. La musique, je la dédie surtout à mon pays, déjà à ma région, parce que je trouve que c'est un peu par attachement maternel, somme toute. C'est un peu la mère langue, comme ça. Nous, on dit ça, la langue mère. Chez nous, en Friuli, on dit la mère langue, la marilingue. Et on a un peu l'impression qu'elle s'en va. Et elle va s'en aller, comme beaucoup d'autres. Il y a tous les ans, je ne sais pas combien, il y a des langues qui disparaissent dans le monde, quoi. Et la nôtre, elle va disparaître également. Hein. Mais je suis tellement attaché que je me suis dit, ben, s'il en reste un, ben, je serai celui-là. Donc je suis un peu le dernier des Frioliens comme le dernier des Mohicans. This is Radio 660, The Beacon. I'm Grant Mazzy, and as always, I'll be taking no prisoners.